La réunion internationale pour la paix dans la péninsule coréenne a eu lieu le 15 et 16 courants à Stockholm, Suède. Y ont participé les officiels de l'Institut de désarmement et de paix près le ministère coréen des Affaires étrangères et les spécialistes de sécurité de divers pays et régions du monde.